Chapitre 8e. Monsieur de Lamartine, après s'être ainsi révélé grand poète épique dans Jousselin, grand poète lyrique dans les méditations et les harmonies, ne se montra pas satisfait de cette double gloire. Il voulut, d'une main puissante, saisir le drame et le dompter. Il n'y réussit pas et n'y pouvait réussir. Rien n'est moins dramatique que le rêve et l'auteur des méditations n'est le plus souvent qu'un rêveur sublime. Au théâtre, des vers harmonieux sont tout au plus tolérés et ne peuvent jamais devenir populaires. Le public écoute, ferme l'œil et s'endort. Il faut que l'action se précipite, que les péripéties s'enchaînent, que le dénouement se prépare avec une activité incessante. Ne m'arrêtez pas pour me faire entendre, au milieu de votre action ralentie, vos méditations ou vos harmonies. J'ai hâte de savoir si le héros sortira vainqueur de cette trame, si le traître sera puni. Je respire à peine, je suis haletant. Prenez-moi brusquement par la main et conduisez-moi à votre dénouement. » L'auteur de Jocelyn, qui avait en vain tenté d'écrire dans sa jeunesse une tragédie, Jonatas, eut le tort plus grave de jeter 25 ou 30 ans plus tard un autre drame sur le théâtre. Tout ça, l'ouverture, eut un succès d'estime, comme la politique du poète. Il est vrai que Chateaubriand avait aussi tenté l'aventure et que son Moïse est à peu près détestable. Mais ce n'est point dans ses illusions et dans ses erreurs qu'il convenait d'imiter l'auteur de l'Itinéraire et des Martyrs. Monsieur de Lamartine fut-il plus heureux quand il s'attaqua à l'histoire, à la philosophie, au roman? La question est délicate et complexe. Nous essaierons d'y répondre.